Audiomatique. La transmission 009 d'Audiomatique de ce mercredi 19 novembre 2014 s'amorçait avec la pièce « La constellation des cœurs brisés » du projet québécois « Prochain épisode ». Il est tiré du seul album de ce projet, soit l'album « Rêver, puis sculpter des restes d'une étoile » paru en 2013. Prochain épisode est mené par Jean-Pierre Mercier, le chanteur d'Handful of Snowdrops, groupe culte québécois qui existe toujours et qui fera d'ailleurs paraître un nouvel album sous peu. Ce sera leur premier album de nouveau matériel depuis 1991. Les électronistes vous offrent chaque semaine une excursion à travers le vaste et infini répertoire de la musique électronique. Et ce soir ne fera pas exception. Vous aurez bien sûr le plaisir d'écouter des pièces contemporaines, mais notre mandat nous amène aussi à aller fouiller dans l'histoire pour dénicher des compositeurs plus ou moins connus ayant eu un impact sur le développement de la musique électronique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Donc un peu plus tard au cours de cette transmission, nous entendrons un extrait d'une œuvre du compositeur allemand Karlheinz Stockhausen qui date de 1967. Mais pour l'instant, nous entamons une première séquence avec une formation bien de notre époque. Il s'agit de Client, de qui nous écoutons la pièce de Shining Path, tirée de leur plus récent album, Authority. Yeah. listen if the gravel train was mine. I bet it moved on a little further down the line. Far from Folsom Prison, that's where I want to stay. And it let the notes of whistle blow my blues away. And it let the notes of whistle blow my blues away. Peut-être reconnu les paroles de la pièce que nous écoutions à l'instant, qui proviennent du chanteur bien connu Johnny Cash. Loin de la version originale, il s'agissait plutôt d'une reprise à saveur techno de la pièce Folsom Prison Blues que nous offrait la formation Accessory. Il est possible de trouver cette pièce sur la version double CD de l'avant-dernier album d'Accessory intitulé Underbeat. Auparavant, c'était la formation slovène Layback qui interprétait la pièce We Are Millions and Millions Are One, parue sur leur plus récent album intitulé Spectre. Sans faire la genèse complète de ce groupe à l'histoire très riche, mentionnons néanmoins que Layback fait partie d'un collectif d'artistes connus sous le nom de Neue Slowenische Kunst qui s'exprime depuis 1980 à travers toute forme d'art, dont la musique, bien entendu. À l'époque, ce collectif a pris racine en ex-Yougoslavie dans un mouvement de résistance au communisme. Bien que le contexte est bien différent aujourd'hui, les BAC gardent toujours un message politique fort critique des idéologies qui gouvernent notre monde. Et en début de séquence, nous entendions la formation Client et la pièce de Shining Path. Client, qui a d'ailleurs renouvelé son son avec l'arrivée d'une nouvelle chanteuse pour la réalisation du plus récent album Authority, duquel est tirée la pièce que nous avons entendue. C'est maintenant au tour du duo canadien Somasonic d'assurer la continuité musicale à Audiomatique avec les électronistes. d'artistes émergents. 89.1. Tout juste avant la pause publicitaire, nous avions droit à Audiomatic, à la formation suédoise Backlash et la chanson Heal de leur premier album Impetus, paru en 2001. Précédemment, il s'agissait du duo montréalais Edscan et la chanson Permafrost de leur album Pattern Recognition, qui a été lancé en 2005. Il y a eu des rumeurs qui semblaient laisser présager que le duo s'était séparé, mais en avril 2013, Edscan a publié une nouvelle composition sur leur profil SoundCloud, donc ça reste à voir si un nouvel album verra le jour éventuellement. Du moins, les électronistes le souhaitent ardemment. Et en début de séquence, nous avons pu entendre le duo canadien Soma Sonic, qui est formé des frères Dominique et François Patterson. Il nous offrait la chanson The Well, French Mix, à laquelle participe Christelle Péchin. C'est tiré de leur album Double Simplicity. La prochaine création que nous écouterons à Audiomatic est un extrait d'une pièce composée par Karl-Heinz Stockhausen. C'est après avoir découvert la musique concrète avec Pierre Schaeffer à Paris que Karl-Heinz Stockhausen débute ses expérimentations sonores. Le compositeur allemand crée en 1953 sa première œuvre intitulée Study One, qui donne le coup d'envoi à un nouveau genre musical baptisé Electronische Musik en Allemagne. La musique électronique était donc née. À Audiomatic, nous allons écouter un court extrait d'une de ses compositions. Une de ses compositions quadraphoniques réalisées en 1967 au studio de musique électronique de la Vösdeutscher Rundfunk. La pièce Hymnen, qui signifie hymne dans le sens de hymnes nationaux, est réalisée à partir d'enregistrements que Stockhausen a effectués aux quatre coins du globe. La substance de l'œuvre est donc les hymnes nationaux de différents pays. En fait, il a enregistré 137 hymnes, desquels 40 furent utilisés pour créer Hymnen. L'œuvre globale comporte 4 mouvements pour une durée totale de 2 heures et elle est composée pour être jouée de 3 façons. En musique électronique accompagnée de solistes et pour un orchestre. Nous allons donc écouter un extrait d'environ 2 minutes de cette pièce de Stockhausen, par ailleurs tiré d'un extrait de 12 minutes de l'œuvre globale, extrait qui paraît sur l'album Festival of It.

Cette séquence se concluait sur la musique du projet Access to Arasaka. Nous écoutions la pièce Recon, composée avec la formation ISA et qu'il est possible de trouver sur l'album Opidan. Avant Access to Arasaka, nous entendions un des nombreux projets d'Uwe Schmidt, un artiste mieux connu pour être Senior Coconut. C'est donc sous l'incarnation du projet Bund Deutscher Programmierer que nous avons découvert une de ses créations à savoir EDM expérimentale avec la pièce Flies Coma tirée de l'album Stuff Vechsel. Et nous débutions avec nul autre que le compositeur Karlheinz Stockhausen et un court extrait de l'œuvre Heimnen réalisé en 1967. L'extrait d'environ 2 minutes entendu ici est tiré d'un extrait de 12 minutes de l'œuvre globale qui, elle, dure 2 heures. Il est possible de trouver cet extrait sur l'album Festival of Hits qui comprend 7 compositions de Stockhausen puisées à travers sa carrière. Comme toute bonne chose a une fin, Audiomatique ne fait pas exception à la règle. Nous terminerons donc l'émission avec la formation suisse Division Kent et la chanson Frantic de leur premier album Monster Proof. Mentionnons que la chanteuse du groupe est décédée en 2010 des suites d'une longue maladie à l'âge de 37 ans. La vie est fragile, mais la musique persiste.